Louange à celui qui a créé tous les couples de ce que la terre fait pousser, de même et de ce qu'ils ne savent pas.